libère, elle t'attend. Petit, qui arrive au monde, ta bonne étoile sort de l'océan. L'étoile, tu l'appelleras maman. Petit, tu viens petit, on est là, tu sais, on t'attend. La vie te veut, la vie, un grand manège tourne doucement. On ira en vélo chez Tintin. On dit qu'on sera des Indiens là-bas dans les bois. On nous trouvera pas. Bisous, tout chaud, tout plein de chocolat. Manège tourne doucement. Le matin, tu viens dans le grand lit, tu sens la joie neuve, c'est l'heure du paradis. Le monde est rien qu'à nous trois jusqu'à midi. Ne bouge pas, je fais ton biberon et puis je reviens. D'accord, on fait une petite place pour le chien. Petit, tu viens petit, on est là, tu sais, on t'attend. La vie te veut, la vie, un grand manège tourne doux. Petit, tu grandis trop vite, tu vas t'en aller jouer sans moi. Et moi, je monterai dans ta chambre en secret. Tout seul, compter les billes. Et j'arrive et je serai à Paris demain soir. Petit, tu viens petit.